Gamin vient chez nous. Maman arrive à la maison avec Gamin. Nous allons prendre soin de lui, dit-elle. Gamin saute sur moi. Je lui dis, on ne saute pas. Amenons-le à la plage, dit maman. Maman fait monter Gamin dans la voiture. Elle l'assoit dans mon siège. Sa queue chatouille mon visage. Je ne vois plus rien. À la plage, je mets ma serviette sur le sable. Gamin vient dessus. Je lui dis, « Va jouer ailleurs. C'est ma place. » Gamin joue dans le sable. Ensuite, il se secoue près de moi. Pouaf! J'ai du sable partout sur moi. Allons nous baigner, dit maman. Je nage avec maman. Une grosse vague approche. Je nage sur la vague, mais la vague m'emporte de plus en plus loin. Je crie « À l'aide! » Maman ne me voit pas, mais Gamin me voit. Il plonge dans les vagues. Il glisse son gros museau sous mon corps. Il me pousse vers la plage. Maman donne à Gamin un gros cornet de crème glacée. Tout à coup, Gamin éternue. Maman et moi avons de la crème glacée partout.